parler. La pelouse est sacrée, parce que le monde bouge, vous allez l'adorer. On n'a pas trouvé mieux, plus fraîche et bien plus sûre. Mon corps et moi on adore, que de plus naturel. Il n'est jamais trop tôt, aujourd'hui pour demain. La télé, toutes vos envies, son goût fait un malheur. Avec vous et pour longtemps, jamais le confort. Mais d'aller aussi loin, être mieux chaque jour. Migolito, Migolito, Migolito, Migolito, Migolito, ton secours a toujours la raison. Migolito, ton secours a toujours la raison. Migolito, ton secours a toujours la raison. Migolito, ton secours a toujours la raison. La raison, la raison, la raison, la raison, la raison, la raison. Migolito. Il n'est jamais trop tôt, aujourd'hui pour demain. La télé, toutes vos envies, son goût fait un malheur. Avec vous et pour longtemps, jamais le confort. Mais d'aller aussi loin, être aimé chaque jour. Migolito, Migolito, Migolito, Migolito. Migolito, ton secours a toujours la raison. Migolito, ton secours a toujours la raison. Migolito, ton secours a toujours la raison. Migolito, ton secours a toujours la raison.